troisième temps de notre série sur l'histoire du football dans la fabrique de l'histoire. Ce matin, nous allons nous arrêter sur un siècle de supporterisme. Lundi, avec François Darrocha-Carnero, nous avons évoqué l'histoire de l'équipe de France de football à l'occasion des 100 ans de la Fédération française, née en effet en 1919. Hier, mardi, nous nous sommes intéressés à l'histoire du football féminin, alors que débute début juin en France la Coupe du Monde de football féminin. Demain, notre documentaire signé Claire Destacan et Thomas Duterre reviendra sur la figure de Jules Rimet, père de la Coupe du Monde de football et fondateur du Red Star. Et aujourd'hui, nous nous plongeons dans un siècle d'histoire des supporters avec Victor Massé de Lépinay qui co-animera cette émission avec nous et avec nos trois invités. Sébastien Louis, il est docteur en histoire, auteur chez Mar et Martin de Ultra, les autres protagonistes du football. Philippe Tétard est également avec nous, il est maître de conférence à l'Université du Mans en histoire. Il est coordonnateur du livre collectif à paraître aux presses universitaires de Rennes le 30 mai prochain. Il est titré Côté Tribune, les supporters en France à la belle époque, de la belle époque aux années 30. Et enfin, Ludovic Lestrelin est également avec nous. Il a participé d'ailleurs à ce livre coordonné par Philippe Tétard. Il est maître de conférence à l'université de Caen, Normandie. Et il est auteur de L'autre public des matchs de football, sociologie des supporters à distance de l'Olympique de Marseille, paru aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Voilà le chant des supporters du Torino, donc pour ouvrir cette émission avec vous, Victor Massé de Lépinay, bonjour. Bonjour Emmanuel. Avec vous, Philippe Tétard, bonjour. Bonjour Ludovic Lestrelin. Et bonjour à vous, donc à distance, puisque vous êtes au téléphone avec nous depuis l'étranger. Sébastien Louis, bonjour. Vous m'entendez ? Bonjour Emmanuel. Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur de Ultra, les autres protagonistes du football, paru chez Marais Martin il y a un an et demi maintenant, et avec une préface de Paul Dietschy qui était notre invité hier. Vous êtes docteur en histoire et vous vous intéressez justement à ces supporters qu'on a entendus, ceux de Turin, mais également ceux de Rome, ceux de Milan, ceux de Gênes, de la Sampdoria ou d'autres grandes équipes du nord de l'Italie, en vous arrêtant sur cette question de ces ultras du sport qui, d'une certaine façon, nous bouchent la vue pour comprendre ce qu'est le supporterisme sur la longue durée. Tout à fait, effectivement. Le mouvement ultra est vu le jour en Italie entre 1967 et 1971. Et aujourd'hui, cette année, nous avons le premier groupe à s'appeler Ultra qui va fêter ses 50 ans. Donc c'est un demi-siècle de culture ultra. Et c'est à l'image de la pizza dans le champ culinaire, les ultras sont l'une des contributions italiennes à la globalisation. Et donc justement, ces ultras donc créés à la fin des années 60, dans un moment très délicat de l'histoire de l'Italie, puisqu'il s'agissait de ce qu'on appelait le mérampant, ce moment où effectivement commencent les premiers attentats d'extrême gauche, d'extrême droite dans l'Italie de 1969-1970, sont d'ores et déjà, et à ce moment-là, sont déjà politisés. Alors, ils ne sont pas politisés. Par contre, le premier groupe à utiliser la dénomination ultra, les ultras de la Sampdoria, à partir de 1969, vont s'inspirer justement de ce quotidien. Ils vont prendre le terme d'ultra, qui à l'époque, dans la presse italienne, désigne les extrémistes de gauche, ultra-sinistra ou de droite, ultra-destra. Et ils vont rajouter le S pour Sampdoria. Et donc, ça va faire le terme ultras, qui va devenir le terme générique pour désigner ce mouvement. Mais ils n'ont pas de lien ni avec l'extrême gauche, ni avec l'extrême droite. Ils prennent quand même pour référence ces groupes. Ils le prennent comme modèle en évidant de leur substance politique. Alors on peut dire de toute façon que cette question du supporterisme nous oblige à faire une sorte de détermination précise des termes qui désignent ces supporters. Philippe Tétard, c'est ce que vous faites dans l'ouverture de Côté Tribune qui paraîtra à la fin mai, donc en France, un ouvrage collectif auquel participe également Ludovic Lestrelin qui est avec nous dans ce débat. Dans Côté Tribune, les supporters en France de la belle époque aux années 30, vous expliquez que ce terme de supporter ne s'impose pas tout de suite. Pour parler de ceux qui sont amateurs soit de football, soit des autres sports qui naissent à la fin du 19e et qui se développent au tout début du 20e, qu'on a plusieurs noms pour pouvoir qualifier ce qu'est ce phénomène supporteriste. Oui, alors le mot supporter lui-même, il commence à percer au tournant des années 1910, il s'impose dans l'entre-deux-guerres. Et l'expression la plus usuelle qu'on rencontre auparavant pour désigner ceux qu'on appellera ensuite des supporters, ce sont des partisans. Des partisans de sport au sens le plus profond du terme de partisanisme. Et très souvent d'ailleurs avec des résonances avec la notion de champion d'une cause. Et en fait, toute cette terminologie, que ce soit le partisanisme, le partisan, le champion ou la championne, quand on pense aux féministes, ce sont des expressions qui sont très communément utilisées dans le champ politique et qui caractérisent bien finalement l'idée d'un militantisme qui là s'exporte dans le domaine de la défense d'une identité qui est une identité sportive et pas une identité politique. Oui, et d'ailleurs c'est un terme qui est repris par un grand sociologue du sport qui est Christian Bomberger, puisqu'il parle lui de partisanerie sportive. Partisanerie, oui. Et donc qui plonge aux racines même de ce phénomène, puisque il faudra, vous l'avez dit, les années 12, 13, 14, 15 avant la Première Guerre mondiale pour voir ce terme sortir de supporters dans la presse sportive, mais surtout s'imposer après la Première Guerre mondiale dans un secteur géographique qui est d'abord plutôt le nord de la France, en l'occurrence, Philippe. Oui, le creuset du supporterisme, c'est très très clairement, c'est même deux départements, hein, le nord et le Pas-de-Calais. Voilà. Pour deux raisons vraisemblables. D'abord, c'est une raison de proximité géographique avec l'Angleterre, donc avec une circulation des élites, et notamment des élites footballistiques entre les deux pays. Et puis, il y a une deuxième chose qui est une apparente grande perméabilité culturelle entre la Belgique et le nord de la France, ce qui n'étonnera personne. Et il se trouve qu'en Belgique, le phénomène supporteriste est beaucoup plus précoce qu'en France. En fait, il sert manifestement de modèle aux passionnés de football du nord de la France. Et à cet égard-là, la France est coupée en deux. Il y a une France septentrionale qui est plutôt marquée par le phénomène supporteriste avant la fin de la Troisième République. Et puis une zone méridionale où il y a des petites ponctuations. Mais c'est beaucoup plus diffus. Et une zone méridionale pour laquelle le supporterisme s'appliquera, en tout cas pour le Sud-Ouest, au rugby. Tandis que pour le nord de la France, c'est plutôt le football dont on parle. Victor Massel-Lépiné. Oui, avant la Première Guerre mondiale, Philippe Tétard, vous traquez dans la presse où vous le pouvez des traces du mot supporter. Et on en trouve quelques-unes, assez peu nombreuses. J'ai noté dans votre livre un article intéressant qui date de 1914 et qui concerne les supporters lillois. Alors, on leur demande de respecter l'arbitre, le journaliste. Le journaliste explique aussi qu'ils se plaignent de ne pas être consultés pour le choix de la couleur du maillot. Dans d'autres articles, on évoque pour Rennes, je crois, la question des déplacements en train des supporters. Ça, c'est des questions qui vont s'étendre tout au long du XXe siècle quand on parle des supporters. Est-ce que cette place des supporters vis-à-vis du club, parce qu'on se dit aussi, les supporters sont-ils dans le club ou avec le club? Est-ce que c'est ça les grandes permanences des questions quand on s'intéresse à l'histoire des supporters, Philippe Tétard? Une permanence, sans doute. Maintenant, est-ce que c'est absolument central dans la période sur laquelle on s'est penché avec mes collègues? J'en suis pas absolument certain. Ça pose des problèmes aux clubs de football. Moins aux clubs de supporters, hein, qui eux évidemment sont saisis très souvent par une sorte de virus de l'entrisme qu'on comprend bien et qui reste aujourd'hui d'actualité, encore que maintenant, pour le peu que j'en sache, tout ça est géré aimablement par des négociations plus ou moins difficiles. Mais à l'époque, la préoccupation principale, c'est quand même entourer le club d'un amour inconditionnel, l'accompagner et se faire à cette idée que généralement les clubs eux-mêmes refusent de s'acoquiner avec les supporters et de les laisser prendre la main sur telle ou telle dimension. Alors ils s'en plaignent, mais ça n'est pas central, je pense, dans la constitution de l'identité supporteriste de la Troisième République. Alors, Ludovic Lestrelin, vous êtes auteur de L'autre public des matchs de football, sociologie des supporters à distance de l'Olympique de Marseille, paru il y a quelques années aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, et vous y traquez une figure du supporter un peu particulière, puisqu'elle est déterritorialisée. C'est un supporter qui, parce que le club qu'il supporte est très important au niveau national, peut se permettre à Nantes, à Rennes, à Bordeaux ou ailleurs, de délaisser son club local pour pouvoir porter sa ferveur vers un club lointain qui s'appelle l'Olympique de Marseille. On connaît ça pour beaucoup de grands clubs. Des supporters de Bordeaux peuvent être installés du côté de Nancy ou de Metz. Des supporters de Paris peuvent être installés, pourquoi pas même à Marseille. Enfin, en tout cas, ça fait partie de ce supporterisme à distance que vous décrivez dans votre travail. C'est aussi une figure du supporter différente des autres. Disons que c'est un phénomène qui prend ses racines dans les années 1970, d'abord autour de l'AS Saint-Étienne et de sa période sportive glorieuse. Il faut rappeler aux plus jeunes, effectivement, combien le chaudron de Geoffroy Guichard a fait vibrer, y compris à l'autre bout de la France, et combien Jean Vion, Herbin et les autres ont été des joueurs qui ont été aimés dans les années 1970 par toute la France. C'est très clairement, effectivement, un phénomène. Enfin, le soutien à l'AS Saint-Étienne dans les années 70, c'est très clairement une question nationale. C'est le club de tout un pays. Et ça correspond à l'essor des télévisions, en fait, hein, dans le spectacle footballistique. Donc les choses se mettent peu à peu en place dans les années 70, puis s'accélèrent dans les années 80 et 90. Et il se trouve que l'Olympique de Marseille connaît une période sportive éminemment favorable à la fin des années 90 et au début des années 90. À la fin des années 80 et au début des années 90. Et ça correspond effectivement à l'explosion du football à la télévision. Et donc ce phénomène-là va prendre de l'ampleur peu à peu. Et aujourd'hui, il est très clair qu'il y a une nouvelle géographie de la façon de consommer, si on pouvait dire les choses comme ça, le spectacle du football. C'est ce que vous appelez l'affranchissement des barrières territoriales. On pourrait presque dire que c'est une application du principe de l'espace vécu tel qu'il a été décrit par le grand géographe Armand Frémont, c'est-à-dire on choisit son territoire et ça n'est plus un territoire que l'on subit et qui nous est imposé d'une certaine façon. C'est ça. Les clubs sont porteurs d'une image sur la scène médiatique. Il véhicule un imaginaire dans lequel des individus vont se reconnaître. Et donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'appartenance choisie et dans laquelle on va effectivement s'investir et cultiver un lien, généralement, chercher à cultiver un lien avec les supporters locaux, ceux qui sont au plus proche, finalement, de l'objet de la passion. Santa Maradona de Mano Negra, un titre de 1994 dans cette émission de la Fabrique de l'Histoire, dans une série consacrée à l'histoire du football qui s'intéresse, cette émission, à l'histoire du supporterisme et des clubs de supporters. Victor Massel d'Épinay. Oui, Philippe Tétard, le mot supporter apparaît donc avant la Première Guerre mondiale, au tournant des années 10, mais c'est véritablement, vous l'avez dit, dans les années 30 que les premiers clubs de supporters se structurent. C'est aussi le moment, en 1932, où est créé le championnat de France professionnel de football. Comment est-ce que ça s'articule, cette création d'un championnat de France professionnel et ces structurations de clubs de supporters? Il faut évidemment, on est tenté d'y voir une plus qu'une coïncidence. Oui, c'est un petit peu différent quand même, parce qu'il y a un phénomène de cristallisation, pour être très précis, hein, en 34, 35, 36, 37. Donc effectivement, on peut le rapporter à l'idée que le championnat professionnel de football aurait eu un rôle de stimulation extrêmement franc. Il n'y a pas de doute là-dessus. Néanmoins, le processus, la construction progressive de ces amicales, d'ailleurs parfois on parle d'amicales et de clubs de supporters, préexiste à 32. Mais il y a un point d'accélération juste avant et juste après, juste avant 32, en 32. Puis en 33, 34, 35. Donc très clairement, les passionnés de football semblent avoir voulu se coaliser de manière plus significative à l'échelle hexagonale au moment où le spectacle du football s'est professionnalisé et est entré dans une nouvelle ère. Oui, et puis il faut rappeler aussi que l'équipe de France de football, c'est ce que vous rappelez, Philippe Tétard, a, à partir de 1932, justement, son propre club de supporters. C'est-à-dire que ça n'est pas simplement des supporters de club, mais c'est aussi le supporter d'une équipe nationale. Si c'est une nouveauté, on peut dire ça. Oui, alors ça, c'est un rassemblement un peu fantomatique. Hein, Julien Sorez qui a investigué sur cette question-là, et puis moi, un tout petit peu également. On a été assez déçus pour l'instant de ne rien trouver. Quoi qu'il en soit, ce que vous soulignez est assez important parce qu'en fait, la figure du supporter des années 10, 20, 30, elle a ceci de particulier que son patriotisme sportif, je pense qu'on va en parler, de cette notion de patriotisme, il est à géométrie variable. C'est-à-dire que l'on se situe dans le nord ou dans le sud de la France, il y a, et d'ailleurs au titre du rugby ou du football, hein, toujours cette tentation d'afficher l'idée qu'on est le défenseur de l'identité locale, le défenseur de l'identité régionale, et que si on est un vrai bon supporter, il est de bon ton d'être aussi un supporter de l'identité nationale. Donc en fait, le supporter tel qu'il semble vouloir se définir dans les années 30 est quelqu'un qui se mobilise autour de différentes strates de patriotisme. Le plus important semblant évidemment être celui lié à son club et à l'identité locale. Avec aussi une façon de se mobiliser qui devient de plus en plus codifiée, c'est-à-dire qu'on va définir, il va falloir un certain temps pour le faire, le bon et le mauvais supporter aussi dans ces années de l'entre-deux-guerres. Oui et non. C'est-à-dire que je trouve que ce débat-là, au terme du livre que vous avez lu vous aussi, c'est un petit peu difficile de trancher. C'est-à-dire que on ne jette pas l'opprobre sur le supporter aussi communément qu'on pourrait l'imaginer. Alors il y a quelques pourfendeurs de supporters, on en parlera sans doute aussi, mais globalement c'est plutôt un personnage assez folklorique qu'on regarde avec oui, parfois parce que une forme de... Vous dites que c'est la football enfant qui est décrite souvent, que c'est le personnage un peu bonhomme, etc., voilà. que l'on valorise, plutôt que les actions négatives, même si ces actions négatives sont là, on en parle. Oui, Victor Massé-Lépine. La vulgarité dans les stades, par exemple, il y a plusieurs occurrences dans votre livre de journalistes qui disent qu'on ne peut pas emmener ses enfants dans les stades dès les années 30 parce qu'il y a trop de vulgarité, etc. Ludovic Lestrelin, vous avez travaillé sur ce moment des années 30 et sur les premières formes d'organisation de supporters, plutôt vous, dans le sud, entre Sète, qui était un grand club à cette époque, et Marseille, avec l'Olympique de Marseille, qui déjà dans les années 30 gagne deux Coupes de France et un Championnat de France. Qui sont ces premiers supporters organisés? De quel milieu social ils viennent? Est-ce qu'il y a une grande mixité ou est-ce que c'est plutôt, comme on pourrait le penser, les gens des classes plus populaires? C'est extrêmement difficile de trouver des traces sur la composition sociale de ces sociétés de supporters. C'est déjà difficile de trouver des traces sur l'existence même de ces sociétés de supporters, en tout cas à Marseille. On a des indices comme quoi il y a effectivement un club de supporters visiblement assez organisé dans les années 30, mais c'est très très très difficile. À Nîmes, où Marion Fontaine a, elle, mené l'enquête, il y a une association officielle de supporters et qui est bien organisée, qui est dotée d'un journal bien écrit, et il semblerait qu'à Nîmes, ce soit plutôt les petites élites locales, en fait, hein, qui sont membre de ce club de supporters, et donc le supporterisme étant un peu comme une forme de distinction sociale, une forme d'élite en fait, des spectateurs de football à cette époque. À Marseille, j'ai tendance à penser que les choses sont un peu différentes, on est dans une plus grande ville, une ville industrielle. Le spectacle du football draine un public de plus en plus important. Il y a l'hypothèse qu'on pourrait faire, c'est que sans doute que le public de l'Olympique de Marseille est plus mélangé socialement. Victor Massé-Lépinay. Oui, à Rennes, Philippe Tétard, on a des sources, on a des traces. Vous avez consacré un chapitre au Stade Rennais parce que il y a un billet du supporter qui est un journal du club de supporters qui a été créé en 1932. Alors, qu'avez-vous trouvé dans ce journal des supporters? Moi, il y a quelque chose qui m'a intrigué. On parlait hier des femmes dans le football. Dans le premier comité directeur de ce club de supporters, il y a 13 membres, dont 4 dames. Oui, il y a 4 dames. C'est très étonnant, ça a continué ça après? Très étonnant, non, parce que en fait, les supportrices sont tout à fait présentes dès la Belle Époque. Oui. Elles sont un peu spectrales, parce qu'on en parle assez peu, et on a essayé de montrer précisément que c'était une des figures qu'il fallait mettre en scène dans cette histoire. Mais il semble, alors je dis il semble, parce que Ludovic soulignait à l'instant qu'on avait des difficultés pour réunir des sources, et en fait on bute là-dessus. De la même manière qu'on bute, il faut le dire, on bute sur l'absence de témoignages. Parce que là, on fait les beaux, mais à la vérité, on dispose d'aucun témoignage de supporters. Oui, ça n'est pas comme pour Sébastien Louis qui peut aller interviewer les ultras de différents clubs. Là, voilà, vous les avez pas, c'est une limite. Alors ce bulletin du supporter rennais, il est d'une très grande richesse à cet égard-là, et il souligne effectivement qu'il y a 4 dames qui sont invitées à siéger parmi les instances dirigeantes. Mais les archives du club n'ayant jamais été déposées et le bulletin ne mentionnant jamais le nom de ces fameuses 4 dames, alors on ignore qui elles sont. Il y a tout de même une question que vous avez peut-être touchée du doigt en allant dans les archives, Philippe Tétard, pour ce livre collectif qui s'appelle Le Côté Tribune et qui sortira le 30 mai prochain aux presses universitaires de Rennes. C'est ce glissement entre le sportsman et le supporter, c'est-à-dire on part d'un sport qui, à la fin du 19e siècle, est un sport pratiqué par des élites, parfois aristocratiques, souvent aristocratiques, et qui donc ressortissent d'un comportement, d'un ethos aristocratique là aussi. Ouais. On ne crie pas, on ne se montre pas de la même manière qu'un public populaire qui va venir plus tard. Comment on abandonne la main d'une certaine façon pour cette élite sportive? Comment elle laisse la main à un public différent, bien plus nombreux, bien plus populaire que le public de départ qui a créé le sport en question, le rugby comme le football, dans les écoles anglaises? Est-ce qu'on a une petite idée de cela, c'est-à-dire de cette façon dont on passe le témoin à un public différent? La vérité, c'est que c'est assez insensible à l'échelle des 40 ou 50 ans qu'on a pu observer. Maintenant, je pense qu'il y a une rencontre qui s'effectue dans les années 20 et qui prendrait la forme suivante, c'est-à-dire que dans le cas de l'organisation de la constitution déclarée de club de supporters, il apparaît, semble-t-il, souvent que les sportsmen dont vous parlez sont ceux qui sont à l'origine de la création des clubs. Et donc qui les dirigent d'une certaine manière. Et qui les dirigent de la même manière que les clubs de football sont eux dirigés par les élites et de plus en plus soutenus par les classes populaires. Oui, Ludovic Lestrelin. Le football est quand même un sport qui s'institutionnalise très vite sous une forme commerciale. Et donc avec la mise en compétition de deux équipes devant un public payant. Et de fait, il y a un travail de promotion finalement de ce spectacle payant qui est organisé par des entrepreneurs qui investissent dans les clubs et par la presse. Et donc de fait, qui attire un public qui est de plus en plus diversifié sociologiquement. Oui, mais il doit y avoir une tension dans la façon de se comporter, dans les règles qui ne correspondent plus aux règles des fondateurs, d'une certaine façon. C'est évident, et on a quelques traces dans le travail qu'on a fait avec Marion Fontaine à Nîmes et à Marseille. On a des traces de ces tensions et de toute l'ambiguïté, de jusqu'où on peut aller effectivement dans le soutien à l'équipe, jusqu'où on peut aller dans la partisanerie, est-ce qu'il faut accepter ou pas la défaite. Les années 20-30 sont remplies en fait de commentaires assez ambigus dans la presse sur effectivement comment le public doit se comporter. Le vrai supporter ou le supporter conscient, comme vous le notez, Philippe Tétard, pour les années d'avant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui c'est un beau jour, on arrive des alentours, pour voir un match sans pareil se dérouler dans l'allégresse. Regardez sous le soleil tous les fervents qui se pressent, acclamant d'une voix folle les chevaliers du football. Les volants, les footballeurs, ils sont joyeux, pleins de jeunesse. Au combat, ils vont sans peur, hardis les gars et haut les cœurs. Ils sont là sur le terrain, bondissant avec entrain, suivant la loi du vrai sport, du gardien du haut capitaine. Et dans un dernier effort, qui récompensera leur peine, les gagnants qui volent sont les vrais rois du football. Voilà, les footballeurs des frères Jacques, un titre de 1957 où on décrit ceux qui suivent la loi du vrai sport. Victor Massel Lépiné dans notre émission consacrée donc aux supporters dans la fabrique de l'histoire. Oui, Sébastien Louis, vous avez travaillé sur les ultras et Ludovic Lestrelin évoquait à l'instant la dimension spectaculaire du football. On va au stade comme on va à un spectacle. C'est une des choses, peut-être qu'on va y revenir, de ce que les ultras rejettent, cette distinction. Ils établissent une distinction très claire entre spectateurs et supporters ou supporters ultra, mais c'est aussi les ultras, un spectacle eux-mêmes qu'ils organisent dans la tribune. Ça, c'est à partir des années 50 que ça commence à Rome, à Turin, à Milan, que des supporters commencent à animer les tribunes, à créer d'une certaine façon un contre-spectacle. Comment est-ce que ça naît dans ces années et dans ces villes-là et pourquoi ? Alors, contrairement à la France, les premiers clubs de supporters en Italie apparaissent en 1928 et il faut attendre l'après-guerre pour voir des clubs de supporters modernes. C'est-à-dire qu'entre 1928 et la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas de banderoles dans les tribunes, il y a très peu de drapeaux, il n'y a pas de couleurs, pas d'écharpes. On a juste quelques manifestations avant les matchs, comme on peut le voir sur les documents photographiques de l'époque. Après la Deuxième Guerre mondiale, il faut savoir que le football va devenir le sport numéro un en Italie juste avant la Deuxième Guerre mondiale et le championnat italien reprend dès octobre 1945 avec des foules considérables dans les stades. On va avoir de plus en plus de banderoles dans les stades et au début des années 1950, des banderoles vont apparaître dans les stades. Mais il faut véritablement attendre le miracle économique et les années 1960 pour voir une multiplication des clubs de supporters, notamment du côté de l'Inter, où l'entraîneur argentin de l'époque, Elenio Herrera, en coordination avec le président Angelo Moratti, qu'il va convaincre du rôle des tifosi sur l'apport qu'ils peuvent apporter durant le match. Et donc, ils vont créer le Centro di Coordinamento Interclub, c'est-à-dire des centres de coordination pour multiplier les interclubs. À l'époque, il y a très peu de clubs de supporters de l'Inter. Et en fait, il y en a à peine deux ou trois. Et ils vont aller voir les Moschettieri, qui sont des pionniers, qui ont été fondés dans les années 1950. Et donc, ces mousquetaires, ils vont les convaincre de les aider à mettre en place ce centre de coordination qui va permettre de démultiplier les clubs de supporters de l'Inter. Donc, ils vont être officiellement affiliés à l'Inter qui va, en retour, favoriser l'obtention de billets, les déplacements, etc. Et ce qui va permettre de déplacer des milliers de supporters, voire des dizaines de milliers de supporters, lors notamment des finales de Coupe d'Europe. Alors on a commencé en évoquant l'origine du mot supporter et ses premières occurrences dans la presse. Vous venez de prononcer le mot tifosi. J'ai appris en vous lisant que tifosi, ça venait de typhus, de la maladie, tout de l'épidémie. C'est Exactement, c'est un mot qui est apparu dès les années 1920 dans la presse et qui va être dans l'encyclopédie italienne dans les années 1930. Et donc en fait, on lit, il faut savoir qu'en Italie, on ne parle pas de football, on parle de calcio, on ne parle pas de penalty, on parle de rigori, on parle pas de supporter, on parle de tifosi. Et donc c'est un nom qui dérive du typhus, tout simplement. En Italie, dans les années 1920, certaines régions sont encore touchées par des épidémies de typhus. Et lorsqu'on a le typhus, on a des phases d'abattement ou des phases d'exaltation. Et donc, durant ces phases d'exaltation, c'est un petit peu comme un supporter hein, qui a le typhus. Donc, c'est une maladie, le supporterisme en Italie. Et donc, on a créé ce néologisme, celui qui a le typhus, le tifoso, car il est abattu quand son équipe perd. Il est exalté lorsque son équipe gagne. Ce qui est assez extraordinaire, et vous le racontez vous-même, Sébastien Louis, mais on peut interroger aussi nos autres invités autour de cette table sur ce sujet, c'est que c'est aussi une découverte du territoire que d'être supporter. C'est-à-dire que on est supporter chez soi, mais à partir d'un certain moment, on va prendre les cars ou les moyens de transport, on va prendre les trains pour se rendre dans la ville où votre équipe va jouer. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une connaissance du territoire national qui se fait. Est-ce que c'est le cas en Italie, dont on sait effectivement que la lente maturation d'une histoire nationale est relativement récente, au bout du compte, Sébastien Louis? Tout à fait. Il faut savoir qu'en écoutant les matchs à la radio, ça va participer à la diffusion de la langue italienne, car en Italie, encore à l'heure actuelle, et d'autant plus à l'époque, on parle le dialecte. Et donc, grâce à la radio, où on écoute les matchs, on se rassemble devant les bars, ça va permettre de diffuser la langue italienne. Et effectivement, on va découvrir le territoire. Il faut savoir que très rapidement, il va y avoir des déplacements qui sont organisés avec des treni speciali, c'est-à-dire des trains qui sont organisés par les clubs de football eux-mêmes, pour les supporters, et donc qui vont à destination d'une ville. Par exemple, les tifosi de la Roma se rendent à Trieste, à la frontière avec la Yougoslavie, en train spécial. Donc ils vont mettre plus d'une quinzaine d'heures pour rejoindre la ville. Et en même temps, ils vont découvrir le territoire, ils vont poser. On a des images dans les archives de supporters qui partent en gîte. C'est-à-dire, c'est une sorte d'excursion touristique. Ils partent la nuit précédente, si c'est un voyage à l'autre bout de l'Italie. Ils arrivent, ils amènent leur bouteille de vin, leur pique-nique. Ils vont aller devant le monument le plus emblématique de la ville, par exemple le Duomo à Milan. Ils vont poser avec leur banderole du club de supporters. Il y aura également des femmes et des enfants avec eux. Et ensuite, ils vont se rendre tous ensemble au stade pour assister au match de football. Oui, c'est la même chose, Philippe Tétard, dans les années 20 et 30. Ah oui, oui, c'est même constitutif de l'identité des supporters. Les trois grandes missions que doivent s'assigner les supporters où qu'ils soient, c'est évidemment soutenir inconditionnellement le club, l'équipe, toutes les équipes du club. Deuxièmement, voyager avec l'équipe Fagnon. Et troisièmement, entretenir des relations de bonne camaraderie qui ne doivent pas être perturbées par des considérations politiques ou religieuses. Donc le déplacement, c'est absolument essentiel. Et dès le départ, avant même d'ailleurs que les clubs de supporters se constituent, les clubs de football et les clubs de rugby, entre autres, s'ingénient à organiser des convois, puis petit à petit des trains spéciaux. Et c'est une pratique qui est tout à fait commune dans les années 1930. Ludovic Lestrelin, la particularité de votre sujet, des supporters à distance, c'est que quand ils se déplacent, c'est pour aller supporter leur club chez lui, c'est-à-dire là où ils se trouvent, c'est-à-dire à l'OM. Il y a des placements systématiques, effectivement. Parce qu'ils sont donc du reste de la France, rappelons-le, et ils supportent l'OM, mais à distance, et donc ils vont se rendre à Marseille pour pouvoir supporter l'OM au Vélodrome. Voilà, pour une frange de ce public à distance, donc qui s'organise et qui souhaite vivre les matchs dans les stades, il y a nécessité effectivement de se déplacer systématiquement, que le club soutenu, l'Olympique de Marseille en l'occurrence, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, joue au stade Vélodrome, et évidemment aussi dans ces matchs à l'extérieur. Donc c'est effectivement finalement des gens qui voyagent beaucoup, y compris en Europe, quand l'équipe joue des compétitions européennes. Et donc il y a une vraie connaissance effectivement de la géographie nationale, et j'ai envie de dire même européenne. Il y a une petite chose qu'il faut souligner qui est très importante pour l'entre-deux-guerres, c'est que le supporter voyageur appartient plutôt aux élites. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'on décrivait pour l'Italie... Voilà, par exemple, à Rennes, on organise assez communément 10 jours de pérégrination dans sur toute la Côte d'Azur, avec de multiples visites, des restaurants gastronomiques, deux matchs de championnat. Donc évidemment, c'est réservé à des catégories sociales qui nous renvoient du côté des notables. Le petit peuple des supporters, lui, il se contente, ou il est contraint, hein, pour des raisons économique, soit se retourner uniquement vers les matchs in situ, dans sa bonne ville, les matchs, les derbies, parce que ça c'est gérable, faire éventuellement l'effort de temps à autre d'aller pour une demi-finale ou une finale de Coupe de France jusqu'à Paris, mais pour l'essentiel, le supporter est quelqu'un qui se tient dans un café derrière le poste de radio et qui souffre au moment du départ de ses camarades de devoir les accompagner jusqu'à la gare et de les y encourager pour qu'ils soient les porteurs de la belle identité marseillaise ou rennaise. Oui, ça c'est dans les années 30, ça n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Victor Massé-Lépiné. Alors, au moment de la constitution du mouvement ultra, il y a une autre dimension du voyage qui arrive, Sébastien Louis, c'est la dimension du voyage initiatique à l'étranger. C'est pas forcément pour suivre son club, c'est pour aller se forger une culture, et c'est en particulier pour les ultra-italiens des années 60, le voyage en Angleterre qui est une sorte de pèlerinage, d'initiation. On va se frotter aux supporters anglais, au modèle de ce qui peut être aussi le hooliganisme, pour voir comment ils procèdent, pour apprendre des choses, pour apprendre une culture. Tout à fait. Alors le mouvement ultra qui est né en Italie, qui émerge entre 1967 et 1971, a besoin de modèles. Il aura deux modèles principaux. Le premier, c'est justement le champ politique et ces fameuses années de plomb. Donc il va y avoir des groupes qui vont prendre le terme très rapidement. Dès 1971, à Vérone, justement, les Brigate Gialloblu, Brigade Jaune et Bleue, car elle se réfère aux Brigades Rouges. Et on va avoir une autre inspiration qui vient de Grande-Bretagne. Il faut savoir qu'à l'époque, le football anglais est le meilleur. Et ses supporters, on a l'émergence de la télévision. On commence à filmer les supporters, notamment le COP de Liverpool, qui est une équipe excellente. Et on a, contrairement à l'heure actuelle, des supporters très colorés, avec des drapeaux, des écharpes. Il y a des marées d'écharpes, ils chantent le fameux « You'll never walk alone ». Donc ils vont être un modèle pour, on va dire, plutôt la deuxième génération d'ultra en Italie, c'est-à-dire à partir de la seconde partie des années 1970. En 1976, on a cinq jeunes Véronais qui vont emprunter à leurs parents de l'argent, ils vont leur demander de l'argent pour partir en Angleterre, soi-disant pour apprendre l'anglais. Ils vont partir en fait 10 jours en Angleterre pour aller à la rencontre des ultras, des hooligans et des supporters de Chelsea avec lesquels ils vont avoir des liens très forts. Il va y avoir une amitié qui va naître et déboucher sur un jumelage entre ces hooligans de Chelsea et ces ultras de Vérone. Et donc ils vont ramener notamment en Angleterre l'idée de faire des écharpes imprimées avec le nom du groupe de supporters ou du groupe de hooligans. Et on va avoir, à la fin des années 1970, les premiers gadgets ultra qui vont être créés. Et la deuxième génération d'ultra en Italie va se référer justement à ce modèle anglais. On va voir apparaître les noms anglais sur des banderoles. On va avoir notamment Pescara Rangers, Black and White Superstar, Red and Grey Supporters, etc., etc., les Fighters de la Juve. Et donc on va avoir la deuxième génération d'ultra clairement qui prend des noms d'inspiration britannique. Et on peut dire effectivement, et on a évoqué justement ce hooliganisme anglais, qu'il a participé, ce hooliganisme, à une autre vision des supporters que celle que nous développons depuis le début de cette émission. C'est évidemment la notion de violence, un extrait d'un journal de France Inter, le 30 mai 1985, Quentin Dickinson, qui raconte le drame du Ezel. Tout commence par des quolibets et par des jets de bouteilles. Les hooligans anglais, déjà ivres, délirants, supportent de plus en plus mal la proximité des tifosi qui attendent gentiment exubérants le début de la rencontre, séparés des anglais par un grillage métallique peu costaud, ainsi que par quelques rangées de spectateurs belges. Soudain, cette clôture s'abat. Les britanniques en enjambent prestement les débris en hurlant. Affolés, les italiens refluent dans le désordre, cherchent une sortie, n'en trouvent guère. La panique s'intensifie. Des gens perdent l'équilibre, disparaissent de notre vue, sont piétinés. Un muret cède sous la pression de la masse. Une demi-douzaine de personnes tombent, s'embrochent atrocement sur les ronds à béton en acier d'un centimètre de diamètre qui maintenant sont à l'air libre. Ces victimes-là sont mortes l'abdomen transpercé, mais la majorité a succombé à l'étouffement. Les blessés ont généralement les bras ou les jambes brisés par le contact avec les gradins en béton armé. Le dernier bilan de cette tragédie fait état de 41 morts et de 256 blessés hospitalisés, dont 3 dans un état critique. 34 victimes seulement sont identifiées, 7 sont belges, le reste de nationalité italienne. Parmi elles, 2 femmes et 2 adolescents. Quentin Dickinson, France Inter, à Bruxelles. Vous écoutez France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurent. Une fabrique de l'histoire sur l'histoire des supporters dans le cadre d'une semaine consacrée à l'histoire du football. Victor Massé de l'Épinay. Oui, le drame du Hesel a évidemment pris une place très importante dans l'imaginaire collectif quand on évoque les supporters. Et je voulais vous poser une question à tous les trois, peut-être, mais peut-être on peut commencer par vous, Philippe Tétard. Quand on travaille sur les supporters, est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a un souci de légitimation de l'objet sur lequel on travaille? Quand on est historien, qu'on travaille sur les supporters, est-ce qu'on est obligé de se justifier, de ne pas dire qu'on travaille sur uniquement des crétins ivres de bière et de haine? Est-ce qu'il faut dire qu'on sort du champ de l'étude de la violence ou des violences dans le stade? Écoutez, je vais vous faire une réponse très claire. Les ahuris qui penseraient que c'est un objet qui n'est pas légitime, qu'ils retournent à leurs études. C'est pas mal. Après, faire l'histoire sociale du sport, ben ça engage la question du supporterisme et ça engage tout un tas de domaines qui n'ont pas encore été explorés par les historiens. C'est pas d'ailleurs, je leur en fais pas le reproche, hein, ou je pourrais me le faire à moi-même. Qui est l'histoire du spectacle sportif, de la circulation de l'information, du partage émotionnel, etc. Il y a toute une dimension là qu'on n'a pas encore appréhendée et qui méritait de l'être. Donc on s'est lancé sur la piste des supporters, mm-hmm. On en pensera ce qu'on en veut, on a fait le job. C'est dans Côté Tribune et c'est effectivement un bon job, en l'occurrence Ludovic Lestrelin, vous-même qui l'avez fait avec Marion Fontaine dans ce livre collectif. Oui, je suis assez d'accord avec cette idée qu'il n'est pas facile d'être un universitaire travaillant sur le football et encore plus travailler sur les supporters. Peut-être que ça tient à un effet d'enclavement peut-être de l'histoire. Enfin, il faudrait pas qu'en fait faire l'histoire des supporters ne serait qu'une histoire des supporters. Il faut montrer que effectivement faire la socio-histoire des supporters, c'est parler effectivement de l'évolution du spectacle sportif en entretenant d'ailleurs peut-être un dialogue avec les historiens et les sociologues qui travaillent sur la culture, une histoire effectivement des médias, de la télévision, des déplacements, de la mobilité, de la sociabilité, de l'action collective, du politique. Enfin voilà, en fait c'est un objet qui est extrêmement riche, mais qui souffre très clairement d'un défaut de légitimité. Vous êtes d'accord? Ouais. Non, Philippe Tétard, d'abord, avant de donner la parole à Sébastien. Sérieusement, ce que je voulais dire, c'est que, on va pas faire un cours d'histoire, mais il y a toute une historiographie des cultures de masse qui s'est développée ces 20-30 dernières années. Cette historiographie, c'est la fille d'une histoire culturelle des élites. Et en fait, on a beaucoup observé les phénomènes de masse par le truchement, par exemple, médiatique, cinématographique, etc., etc., etc. Et là, on a affaire, mais il y en a d'autres, à une figure qui est une figure relativement massive, hein, puisque ça semble concerner plusieurs dizaines de milliers de personnes, voire peut-être des centaines à la fin des années 30, qui nous intéresse formidablement, parce que c'est une véritable incarnation de ce que peut être une culture de petite masse populaire à l'époque. Et moi, je me réjouis de voir qu'ici ou là, parce que j'y vois un cousinage, des gens travaillent à l'heure actuelle sur l'histoire du camping, l'histoire du bricolage, ou l'histoire du jardinage. Parce que ça me semble participer d'une histoire comme ça, de ces 100 grades qu'on a tôt fait d'oublier. Victor Massé d'Épinay. Mais Sébastien Louis, par exemple, aujourd'hui, qui a une polémique sur les propos homophobes dans les stades et que la présidente de la Ligue de football professionnel qualifie de folklore. C'est intéressant de voir dans votre livre sur les ultras que l'humour de parfois très mauvais goût, on évoquait le drame du Hesel, quelques semaines après le drame du Hesel, les supporters de la Juventus étaient accueillis dans les stades d'Italie par des écharpes de Liverpool et des drapeaux de Liverpool pour se moquer d'eux. Ça, est-ce que, enfin, il ne s'agit pas de légitimer ou de ne pas légitimer, mais il y a une forme de folklore qui est évidemment, qui flirte toujours avec le mauvais goût, voire l'extrême mauvais goût. Tout à fait, effectivement, on s'en prend à l'autre par différents moyens rhétoriques, mais il faut savoir que ce folklore de mauvais goût, et Christian Bromberger l'avait déjà montré dans ses travaux à l'époque, il fait partie justement du carnaval qui est les pratiques des groupes de supporters et plus particulièrement des groupes ultra, car les groupes ultra ont véritablement joué sur ce mauvais goût, et les supporters classiques, on va dire, ont récupéré ça. Maintenant, quand on va voir un Fiorentina Juve, on a des supporters classiques qui vont mettre justement l'écharpe de Liverpool alors qu'il y a 39 morts. Mais on a les supporters de la Juve s'en prennent justement à leurs homologues du Torino en jetant des avions en papier qu'ils brûlent pour rappeler le fameux drame de Superga où l'équipe du Grande Torino est morte. Donc voilà, on a ce mauvais goût qui joue, mais il faut pas le prendre au premier degré. Et toute cette question de l'homophobie, elle est intéressante, et on a une extrême sensibilité, j'en suis heureux, dans les stades par rapport à ça, Mais il faut savoir que l'homophobie, elle existe également au quotidien. C'est dans mes travaux, c'est ce que je montre depuis une dizaine d'années. Le stade, c'est un miroir. Alors bien entendu, un miroir déformant, mais un miroir de nos sociétés. Et donc, quand on travaille sur les ultras ou quand on travaille sur les supporters, le but, c'est également d'expliquer nos sociétés. À l'heure actuelle, depuis quelques années, je suis en train de travailler sur la question des supporters ultras dans le monde arabe. Et là, à l'heure actuelle, je suis à Casablanca, d'où je vous parle. Et on voit justement dans des sociétés conservatrices quelle est la dimension compris le supporterisme et plus particulièrement le supporterisme ultra. Pour quelqu'un qui se balade dans n'importe quelle ville marocaine et qui est un petit peu curieux de regarder les graffitis sur les murs ou voir les peintures murales, il va être étonné de cette emprise dans l'espace public des groupes de supporters ultra. Et il y a des véritables guerres symboliques qui ont lieu en bas de l'immeuble où je suis à Casablanca. Il y a justement un graffiti des Green Boys qui a été recouvert durant la nuit par les winners du Wydad. Donc voilà, la guerre entre le Raja et le Wydad se joue également sur les murs de Casablanca. Oui, vous rappelez effectivement, Sébastien Louis, combien, à la fois pour la chute de Moubarak, mais on l'a vu aussi au moment des manifestations contre Bouteflika en Algérie, eh bien les supporters des clubs ont été généralement dans les masses qui ont permis la chute de ces dirigeants. Merci, en tous les cas, on aurait pu parler avec vous, Sébastien Louis, de bien d'autres choses aussi, et avec Philippe Tétard et avec Ludovic Lestrelin, puisque c'est un sujet dont on s'aperçoit qu'il est assez vaste. On y reviendra peut-être, puisqu'on pourrait parler aussi de la politisation de certains de ces clubs de supporters, que ce soit pendant la guerre en ex-Yougoslavie ou à d'autres moments. Merci. Je rappelle que côté tribune, les supporters en France de la Belle Époque aux années 30, ça sort sous votre direction, Philippe Tétard, aux presses universitaires de Rennes à partir du 30 mai. On pourra le trouver en librairie. Que Ultra, les autres protagonistes du football, c'est signé par vous, Sébastien Louis, chez Marie Martin, et que l'autre public des matchs de football, Ludovic Lestrelin, c'est chez les éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Demain, on terminera cette série d'émissions consacrée à l'histoire du football en nous intéressant à une figure tutélaire du football français, à savoir Jules Rimet, à la fois considéré comme le créateur de la Coupe du Monde, et on en discutera d'ailleurs, mais aussi le fondateur du Red Star. Le Red Star, qui se crée en février 1897, est un club omnisport, mais à l'époque, tous les clubs sont omnisports. Il n'y a pas cette spécialisation qui ne viendra que plus tard et qui viendra notamment par l'action de Jules Rimet, qui lui va être convaincu que pour se développer, il faut plusieurs choses. La première, c'est que le football acquiert une autonomie, c'est-à-dire se libère des autres sports et qu'on puisse avoir des clubs qui sont consacrés à un sport. La deuxième idée, et elle est conforme à son engagement de catholique social, c'est que un club doit être un vecteur d'émancipation sociale. C'est-à-dire que l'idée, c'est que un club doit être un lieu de brassage. Toutes les classes, quelles qu'elles soient, peuvent se croiser et faire du sport ensemble. C'est une idée à laquelle Rimet, quand il crée le Red Star, est attaché. Il est attaché également à la culture du sport, puisqu'il va créer une section artistique et littéraire. Donc, si vous voulez, il a une vision globale. Il y avait les sports nobles, soi-disant nobles. Yves Rimet. Donc, des gens qui pouvaient se le permettre, et d'autres qui tapaient un peu dans le football, mais c'était des gens qui étaient plutôt dépourvus. Donc, s'il devait arriver via le sport, il fallait qu'il gagne un peu d'argent. Pour qu'il gagne un peu d'argent, il fallait qu'ils aient certaines bases. Et pour avoir cette base, il fallait qu'ils sachent lire, écrire, calculer. Donc, il fallait avoir une cellule littéraire. C'est dans cette séquence historique, alors qu'on peut imaginer qu'il va faire une carrière politique. Il a un diplôme de droit, il a fait des études de droit, il a créé une petite société de contentieux. C'est un homme qui a donc la sensibilité de son époque. Et d'ailleurs, dans son entourage, un certain nombre de personnes pensent qu'il va se lancer dans la politique. Laurent Lannes. Alors pourquoi il ne le fait pas ? Bon, d'abord, il a ce premier engagement sportif en créant le Red Star. Je pense que c'était une manière plus directe de s'engager. Et ce qui va permettre d'expliquer qu'il ne part pas dans l'engagement politique, c'est la lettre aux évêques du pape en août 1910 qui va condamner la fausse doctrine du Sillon. Le pape considère que le Sillon emmène les catholiques sur une voie qui n'est pas une voie souhaitable pour l'Église, la condamne fermement et d'ailleurs le mouvement va s'autodissoudre. Voilà, donc c'est un extrait du documentaire que vous pourrez entendre demain en conclusion de notre série sur l'histoire du football. Il est signé Claire Destacan et Thomas Duterre. Et puis mentionnons qu'il y a beaucoup d'études sur l'histoire du football, que Michael Correa a sorti récemment une histoire populaire du football. C'était à la Découverte qu'Yvan Gasteau travaille sur football et migration, que Fabien Archambault a travaillé sur la guerre entre catholiques et communistes en Italie autour du football, le contrôle du ballon, qu'il y a une thèse en cours de Clément Astruc sur le football brésilien et qu'il y a aussi Julien Sorez, on en a parlé tout à l'heure à propos du football à Paris, que Mathieu Monocchi était en train de faire sa thèse sur les supporters autonomes de football en France entre 70 et 2006, et le vœu de Philippe Tétard est donc exaucé. Il y a beaucoup de gens qui vont travailler autour de ces questions-là d'ici quelques années. Donc, et puis mentionnons aussi, on parlait de football féminin, que la première arbitre a arbitré une rencontre de division 1. C'est donc Stéphanie Frappard, et ça sera un match Amiens-Strasbourg cette semaine. Bonjour à vous Jean-Marc Bastier, on est très loin du football. Vous allez nous parler, puisque vous êtes rédacteur en chef de Histoire et Civilisation, notre partenaire, du dossier que vous faites sur la Renaissance française et en particulier de l'année 1519, puisque c'est l'année sur laquelle vous vous êtes centré pour parler de la Renaissance dans Histoire et Civilisation. Oui, tout à fait. Il y a 500 ans, en 1519, 4 ans après la fameuse victoire de Marignan en 1515, débutait la construction de Chambord, aujourd'hui château emblématique mondialement connu. Au même moment, un des génies de la Renaissance, Léonard de Vinci, venu en France 3 ans auparavant à l'appel du roi François Ier, rendait l'âme à Amboise, au Clos Lucé. Toujours la même année, naissait le futur Henri II et sa future épouse, Catherine de Médicis. Cette femme d'origine florentine apportera plus tard à la cour de France un art de vivre à l'italienne. Donc 1519 est une année symbolique et un moment même charnière, Jean-Marc. Oui, on peut dire que l'on est entré dans un nouveau cycle. Le royaume, en effet, à peine sorti des limbes du Moyen-Âge, connaît une forme de régénérescence et même, si l'on veut, de renaissance. Quel est l'esprit de cette époque ? Cette époque voit l'émergence de courants intellectuels, artistiques, spirituels. On se penche sur le latin classique, celui de Cicéron, on redécouvre le grec, on se met aussi à étudier l'hébreu. À côté de la figure traditionnelle du roi chevalier médiéval, s'impose celle d'un souverain moderne, ami des juristes et des hommes de lettres. À cette époque d'humanisme naissant apparaît un désir ardent de connaissance porté par des intellectuels laïcs. Selon le savant Guillaume Budet, les sujets du roi de France sont les héritiers de cette culture antique que l'on redécouvre et dont les Romains modernes n'auraient pas pris soin. Il veut donc voir un passage de relais des savoirs antiques de Rome vers Paris. Alors comment Chambord s'impose-t-il justement comme château, mais comme lieu emblématique de la France ? Le chantier est interrompu en 1524 et François Ier y vient peu. Puis les travaux reprennent et se poursuivent jusqu'à sa mort en 1547. Chambord s'affirme alors comme un édifice hors norme, représentation de la cité idéale et incarnation de la puissance du roi. Les châteaux perdent alors leur caractère défensif pour se parer d'ornements architecturaux et de jardins. Chambord devient un modèle pour les autres constructions privées. Il est la figure de proue de ce qu'on appellera plus tard les châteaux de la Loire. Parmi ces quelques 100 châteaux, une dizaine est très connue, comme Chenonceau, Azay, Le Rideau, Villandry, Blois et Amboise. Alors Chambord devient-il l'expression en même temps de cette renaissance française, Jean-Marc Bastière ? Disons que cet édifice royal devient l'expression de la confiance en des jours meilleurs que ceux du siècle précédent. On notera simplement que la renaissance est une notion apparue a posteriori, imposée par Michelet au XIXe siècle, au début des années 1840. Elle a alors un succès fou, mais ce concept historique n'existait pas à l'époque qu'il désigne. Déjà Ingres, dans La mort de Léonard de Vinci, peint en 1818, montre l'effacement du maître, père spirituel artistique, symbole d'un héritage italien et humaniste, ainsi que des premiers tableaux arrivés dans les collections royales, comme la Joconde, aujourd'hui conservée au Louvre. Mais le tableau d'Ingres participe pour une part d'une lecture rétrospective qui est celle de l'époque de la Restauration. La France tient alors à avoir sa propre naissance comme d'autres pays européens. D'ailleurs, contrairement à ce que représente la toile du peintre, Léonard de Vinci n'est pas mort dans les bras de François Ier. Le roi de France se trouvait alors à Saint-Germain-en-Laye. Merci Jean-Marc, vous revenez le mois prochain et le numéro donc de Histoire et Civilisation qui va paraître, qui paraît, s'appelle La Renaissance française, comment a tout commencé ? Tout a commencé donc avec en particulier aussi un dossier sur les Sassanides, l'ultime éclat de la Perse antique, c'est en kiosque Histoire et Civilisation. Merci encore. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc. Emmanuel Mansdinkan était avec nous à la technique et Thomas Duterre à la réalisation.